Écoute, Enfin, oh moi, oui, ben, je, il y a oui, toujours, on devrait. On devrait faire ça cet après-midi. Jacques, non, plutôt Jacques, oh Nicole, on devrait. Tu sais qu'est-ce qu'on devrait? On devrait avoir le parti. Oui. Non, mais je pense non, que. Non, non, non, non. Moi, la meilleure chose. Cet après-midi, t'es arrivé en retard. Ça marche pas. Moi, j'ai tout fait mon travail comme il fallait quand même. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'aime pas du tout tes hamburgers. Ça n'a pas de bon sens. Je fais les meilleurs hamburgers. Non, mais faut les sortir de la friteuse. Oh, je me suis mélangée avec une commande. Ça n'a pas de bon sens. De ta... Ça fait combien de temps que je travaille ici? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Bon, ben, écoute, là.